Chapitre 2e. La fille de l'épicier se nommait Cécilie. Grande, svelte, gracieuse dans tous ses mouvements, elle avait de beaux yeux bruns, les cheveux châtains et ondulés, des lèvres roses et un petit nez retroussé qui semblait un point d'interrogation. Elle était généreuse, quoique un peu hautaine, aimante, compatissante, mais vive et réfléchie. Sans des amis sages, sa bourse eût été ouverte à tout venant. La mort de sa mère, qu'elle perdit de bonne heure, devait avoir une grande influence sur l'avenir de Cécilie. L'épicier ne se remaria point. Dans ses cœurs honnêtes et un peu vulgaires, il y a souvent plus d'amour et de constance que l'on ne pense généralement. Le veuf reportait sur sa fille toute la tendresse qu'il avait éprouvée pour sa femme. Ce petit enfant aux yeux bruns était son idole. Pour la gentille créature, il travaillait comme un galérien, ne dépensant que le strict nécessaire dans son modeste ménage. « J'aime les affaires, » disait-il, lorsqu'on lui reprochait de se dévouer outre mesure aux intérêts de sa boutique. « Et puis hors de mon magasin, que suis-je? J'ai juste assez d'esprit pour peser le sucre et le café pour tenir mes comptes. Je suis né épicier, épicier je mourrai, mais ma fille sera une dame, je l'ai mis dans ma tête. » Cécilie avait donc été élevée dans la pension aristocratique d'une grande ville voisine de Marston et y avait reçu une éducation supérieure. Elle chantait, jouait du piano, parlait un peu le français et le comprenait très bien. Elle dessinait même, rapportant aux vacances, de petites ébauches, esquisses de châteaux, de ruines, portant la trace de la main habile du maître. La mort de son père laissa seulement la fille de l'épicier qui s'établit dans une petite maison située près de l'endroit où son père avait fait fortune. C'était une villa charmante, comme il s'en trouve dans les environs des villes de province. Tout y souriait à l'œil, tout y plaisait à l'esprit, les jalousies vertes, les murailles blanches, les petits bosquets, les fleurs sur la pelouse, tout était frais et soigné. Le ménage de Mademoiselle Cécilie Bonheur se composait de deux servantes, cuisinières et femmes de chambre, plus une dame de compagnie, bonne femme entre deux âges, grassouillette et bien portante. Cécilie avait fait la connaissance de Madame Lajean dans la pension même où elle avait reçu son éducation. Madame Lajean, ancienne gouvernante dans une famille de province, avait épousé un médecin de village, lequel mourut jeune et pauvre. Elle en parlait beaucoup et souvent. Comme la plupart des personnes grasses, Madame Lajean était un peu paresseuse. Sa position d'institutrice dans un pensionnat demandant de l'activité, elle fut très heureuse d'accepter la proposition que lui fit Mademoiselle Banner d'entrer à son service en qualité de dame de compagnie. Madame Lajean était un véritable type d'institutrice. Elle connaissait à merveille l'histoire d'Angleterre, de Rome et de la Grèce. Elle avait quelque idée de l'histoire de France et possédait des notions de géologie, d'astronomie et de géographie. En résumé, avec toutes ses qualités pour un jeune cœur, c'était une compagne fort ennuyeuse. De temps en temps, Cécilie Banner trouvait sa gouvernante insupportable, ce qui l'empêchait nullement de l'aimer et de la soigner avec une tendresse filiale. Par une belle soirée de juillet, le petit ménage sortit de sa tranquillité accoutumée. Mademoiselle Banner offrait le thé à ses amis intimes. Or, le thé en province est une importante chose. La table ronde du salon était couverte de gâteaux et de conserves. Le beau service d'argenterie brillait aux rayons d'un soleil couchant, et sur toutes les étagères se trouvaient des vases remplis de fleurs. Le cercle des intimes se composait de deux vieilles dames qui avaient aimé Cécilie depuis son enfance, des trois filles et de l'unique fils d'un avoué très considéré à Marston, et enfin du jeune prédicateur de la chapelle des dissidents. Après le thé, on fit un tour dans le jardin. On marchait lentement dans les sentiers. On admirait les fleurs en adressant quelques compliments à la maîtresse du logis. Le pasteur se trouvait près de Cécilie, la regardant à la dérobée. Ayant été un instant séparé des autres promeneurs, deux îles surent profiter de cette occasion pour entamer une conversation avec la jeune fille. Il parla de l'amitié, et de l'amitié ses paroles glissèrent insensiblement vers cette profonde et vaste mer des passions qu'on appelle l'amour. Mais Desile n'effleura pas ce sujet avec l'air confiant des hommes de son âge. Ce fut avec un accent pénétré, sur un ton de mélancolie touchante, qu'il aborda ce grand problème de la vie humaine. « Pour moi, disait-il, l'amour n'est pas ce que pensent les frivoles esprits de nos jours. Pour moi, c'est le sacrifice, c'est l'abnégation de soi-même. Ne suis-je pas le serviteur du ciel? Qu'ai-je à faire avec les joies de la terre? À d'autres, les doux plaisirs d'une vie domestique, les enivrantes délices de l'amour partagé. l'union presque séraphique de deux cœurs créés pour faire le bonheur l'un de l'autre. La voie dans laquelle je marche est stérile, mon fardeau est lourd, et pour consolation je n'ai qu'un rêve, mais un rêve si doux, si beau, que j'y perds des heures précieuses. » Et il prononçait ces mots avec des larmes dans la voix. Sous le regard du pasteur, sous le sombre rayonnement de ses yeux gris, la jeune fille pâlit. Accoutumée aux fat compliments des jeunes gens de Marston, cet accent viril, ce ton de désespoir passionné, était nouveau pour Mademoiselle Banner, qui, tremblante, émue, répondit doucement. « Mais c'est une belle chose que de se dévouer au ciel, et celui qui le fait ne doit-il pas être heureux ?»« Sans doute, mademoiselle, si le cœur humain pouvait se détacher des choses de la terre, mais s'il y voit un ange aussi beau que ceux qui habitent les cieux, et s'il lui est défendu de l'approcher, il n'y a plus de paix, plus de bonheur pour cet infortuné. » Vous parlez par énigme, monsieur Deuxille, dit la jeune fille avec un certain embarras, car une femme comprend toujours une déclaration d'amour, si obscure qu'elle soit. Je ne souhaite pas que vous me compreniez tout à fait, mademoiselle, reprit Deuxille un peu brusquement. Il y a des secrets qu'un homme honorable doit cacher éternellement. Ils atteignaient alors l'extrémité d'un petit sentier rempli d'ombre. Le pasteur détourna la tête comme pour éviter les regards de Cecily et la quitta soudainement pour aller rejoindre les autres invités qui n'avaient rien entendu de cette conversation. Restée seule, Cecily réfléchit aux manières étranges du ministre. « Il m'aime, lui, » pensa-t-elle. « Il m'aime, mais il mourra avant de m'avouer son amour. Cœur noble et fier. Ce n'est point ma richesse qu'il recherche. » Et il considère son amour comme un péché, tant est grande sa supériorité sur les âmes vulgaires. Un de ces personnages à l'âme vulgaire, selon Mademoiselle Banner, arrivait précisément. C'était Arthur Heuret, le fils de l'avoué, un jeune homme de bonne mine, grand, bien fait, aux yeux bleus foncés, aux cheveux châtains, mais ne jouissant pas à Marston d'une excellente réputation. Il n'allait pas régulièrement à la chapelle le dimanche. Il aimait les chevaux, les chiens et les parties de whist. Les dévotes de la ville affirmaient que lorsqu'il hériterait de son père, il se lancerait rapidement sur le grand chemin de la perdition. Arthur Heuret bravait la médisance des respectables de Marston. Malgré son goût pour les courses et le jeu, il s'entendait aux affaires. Les fermiers, aussi bien que les jeunes gens de l'aristocratie provinciale, s'accordaient à le préférer à son père pour certaines consultations. Connaissant Cecily Banner depuis l'enfance, il lui parlait souvent avec une franchise fraternelle. Il l'aimait beaucoup, cependant, et les Marstoniens regardaient un mariage comme très probable entre les deux jeunes gens. « Ce culte du vaudour est effrayant, » disaient les dissidents. « Supposez Cecily sans le sou, jamais les Heuret ne songeraient à elle. » En province, les mauvaises langues vont bien vite, en sorte que Mademoiselle Banner n'ignorait pas les cancans que l'on faisait, tant sur son compte que sur celui de son compagnon d'enfance. « Eh bien, ma belle, » dit Arthur en se rapprochant de Cecily, « pourquoi donc abandonnez-vous vos invités ? Le discours de votre saint a dû être bien intéressant. »« Celui que vous appelez un saint m'intéresse toujours, » répondit Mademoiselle Banner gravement, mais non sans quelque confusion. « Sans doute, sans doute. Il suffit souvent d'élever les yeux vers le ciel et de pousser de grands soupirs à propos de rien, pour plaire aux femmes, si sensées qu'elles soient. » « Vous n'aimez point, monsieur Deuxille, » reprit la jeune fille avec sévérité. « Cela ne me surprend guère. Entre vous deux, toute sympathie est impossible. »« Certainement, » dit Arthur avec décision. « Il n'y a pas de goût pour les amusements profanes. Il a voué son cœur au service du ciel. Il ne peut plaire aux gens qui ne songent qu'au plaisir. »« Vos paroles sont dures pour un vieil ami, Cecily, » dit Arthur, avec un accent plein de tendresse. « Avez-vous donc oublié le passé depuis que cet homme est venu nous séparer ? Ne vous souvenez-vous plus des jours de notre enfance ? Nous ne pensions pas alors qu'il fût défendu de s'amuser un peu ici-bas ? Les enfants n'entendent rien au sérieux de la vie. Je n'ai d'ailleurs pas oublié le passé, Arthur, croyez-le bien. Vous et vos sœurs serez toujours de véritables amis pour moi. Mais vous m'offensez lorsque vous me parlez de M. Deuxille. Il me semble que vous le haïssez parce qu'il est un homme supérieur. » « Ah, mais non, Cecily, c'est qu'il n'est pas supérieur, quoiqu'il prétende être au-dessus des autres. L'homme réellement supérieur ne parle pas de ses vertus. Votre pasteur est saint et dévot par métier, et le métier est assez lucratif. »« Monsieur, arrête. Je blasphème, soit. Mais qui est ce monsieur Dezille? D'où vient-il? Que sais-tu de son passé? Son éducation est au-dessus de sa position. Il n'est pas de l'espèce des pasteurs dissidents d'une petite ville de province. Je t'aime trop sincèrement pour ne pas m'intéresser à ce qui te regarde. Je me suis aperçu de ta prédilection pour cet homme et je l'ai observé attentivement. Il ne mérite ni ta confiance, ni ton amitié, Cécilie, et tu lui donnes ton amour. L'heure sonnera tôt ou tard où tu te repentiras de cette folie. » Tandis qu'il parlait, la jeune fille avait fixé ses grands yeux sur son ami. La colère domina d'abord toute notre émotion, puis, peu à peu, la faiblesse de la femme reparut et de grosses larmes glissèrent sur le visage de Mademoiselle Banner. « Vous êtes bien cruel, Arthur, » dit-elle. « N'est-ce pas toi, au contraire, qui est cruel, d'abandonner des amis d'enfance pour un étranger ?»« Mes amis d'enfance, » reprit Cécilie, « ne peuvent-ils pas me tromper aussi bien qu'un étranger ?» Les insinuations malignes des vieilles filles de Marston sur les trahisons des hommes à marier lui revenaient alors à l'esprit. Mais si son caractère romanesque la disposait à pencher vers le ministre indépendant, les souvenirs du passé étaient encore assez vifs pour lui permettre d'apprécier les sentiments qui avaient dicté les paroles d'Arthur Herald. Autant pour cacher son embarras que pour remplir ses devoirs de maîtresse de maison, elle mit fin à cette conversation en prétextant qu'elle devait rejoindre ses invités. Elle retrouva les sœurs d'Arthur et les vieilles dames discutant les arrangements du jardin. Dezille, lui, se tenait à l'écart, seul, sombre et méditatif. Le jour baissait. Des nuages pourpres et dorés, colorés par les dernières lueurs du soleil couchant, flottaient au ciel et le croissant de la lune commençait à se dessiner sur un fond d'opale. C'était bien l'heure à laquelle doivent s'épancher les jeunes cœurs, comme certaines fleurs qui ne s'épanouissent que pendant la nuit. On entra au salon, et Mademoiselle Banner fut priée de chanter. Elle se mit au piano et commença une petite ballade qu'elle avait trouvée dans un vieux recueil ayant appartenu à sa mère. La voix de Cécilie était douce, mélodieuse. Elle avait chanté les deux premiers couplets de cette ballade, qui n'avait rien de remarquable, qu'une sorte de mélancolie touchante. Et elle allait achever le troisième couplet lorsqu'elle fut interrompue par les sanglots du pasteur. Dezille pleurait comme un enfant. Et on imagine facilement la stupéfaction de la petite assemblée devant la singulière émotion du ministre. « Excusez-moi, » dit-il en s'efforçant de se contenir, « mais j'ai entendu cette ballade sur les genoux de ma mère. Tout mon passé vient de se dresser devant moi. J'ai revu ma mère, son petit salon, son piano, mes jouets éparpillés sur le tapis. Je me suis souvenu des heures de mon enfance, de ces heures si douces où je n'avais jamais péché. Mademoiselle Banner, si vous avez quelque bienveillance, quelque pitié pour moi, ne chantez plus cette ballade en ma présence. » M. Dezille se calma en parlant ainsi. Les bougies apportées à la sollicitation de la plus pieuse des vieilles dames, il lut un chapitre de l'Évangile et, dans une courte explication du texte, supplèrent infiniment à la partie féminine de la réunion, malgré quelques signes d'impatience, jappant de temps à autre au jeune avoué. Une prière récitée en commun suivit la lecture de l'Évangile. C'était la fin de cette fête, et les invités prirent congé de Mademoiselle Banner en la remerciant, dans leur style de province, du plaisir qu'ils avaient goûté en sa société.